matin me réveille mais c'est pas la lispo. Madame le quai de haut en bas ça sent les blèmes pro. Ça sent la merde dans sa main droite y'avait mon bigot. Jure-le, tu la connais pas. Et jure-le, tu la connais pas. J'ai fait le maximum pour retourner son cerveau. Mais tout ce que je lui dis, ça rendrait jaja. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Que jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Que jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Elle est dans le monologue, elle se met à parler solo. Elle me pose des questions sans réponse, elle me voit en mytho. Entre les insultes et les talons qui volent à gogo. J'ai plus quoi faire à part attendre qu'elle baisse le niveau. Jure-le, tu la connais pas. Et jure-le, tu la connais pas. Une heure après, je la vois fatiguée, c'est pas trop tôt. Mais tout ce que je lui dis, ça rentre dans un. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Que jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Elle me dit, dis-moi la vérité. Et j'arriverai peut-être à te pardonner. Et je me dis que si je dis la vérité, elle me le ressortira dans quelques années. On va rester ici de midi jusqu'à minuit. Si je la laisse partir voir ses copines, je suis un homme cuit. Trop d'émotions dans sa tête, c'est sûrement le grand 8. Elle passe de je t'aime à je sais pas pourquoi je t'ai dit oui. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le. Et jure-le, tu la connais pas. Et jure-le.